enfants expriment-ils leur esprit? Et dans le même ordre pour les enfants, l'enfant qui ne fait pas la différence entre demain, hier et aujourd'hui, est-ce que sa conscience est plus étendue à cet âge et en lui enseignant, elle se rapetisse? Je ne prêterai pas si tu me l'armais pas. Bon, l'enfant qui ne fait pas la différence entre le temps... Je sais pas où, mais... Tu veux-tu que j'aille enregistrer? Je vais y aller enregistrer. Bon. Je tape sur le tien de temps en temps. Bon. L'enfant souvent ne peut pas faire de différence entre le temps pour la simple raison que la conscience de l'enfant n'est pas une conscience qui ait suffisamment de mémoire pour pouvoir expérimenter dans sa mémoire l'idée même de la conscience du temps. Cela veut dire que l'enfant comprend la mémoire, l'enfant accumule de la mémoire, l'enfant expérimente la mémoire, et lorsque l'enfant a suffisamment de mémoire à l'intérieur de lui, donc dans son ego, pour pouvoir aller fouiller dedans plutôt que de fouiller dans ce qui est la réalité, à partir de cet instant, lorsque l'enfant attache plus d'importance à sa mémoire, ou du moins autant qu'à la réalité, il commence à concevoir le temps. Alors la question est n'est pas précise pour la simple raison qu'on ne donne pas l'âge à l'enfant. Donc ça devient important. Jusqu'à l'âge de 7-8 ans, souvent, l'enfant ne fait pas tellement de connotation avec le temps. Il connaît un peu demain en ce sens que ça veut dire pas tout de suite. Il connaît un peu hier en ce sens que ça veut dire plus maintenant. Mais il n'a pas de consonance réelle du temps. C'est pas le temps d'y acheter une montre, par exemple. Il ne saura pas quoi faire avec ça. Ni un calendrier, ni un agenda. Lorsque l'enfant a suffisamment de mémoire au niveau de son ego, donc au niveau de son âme, alors évidemment, là, il va commencer à connaître le temps, à se servir de sa mémoire pour pouvoir la... Ils ont restitué la mémoire pour la confronter au niveau de la réalité. Et là, l'enfant va connaître le temps. Maintenant, si on parle de l'expression... dans toute leur simplicité, les enfants expriment-ils leur esprit? Non. L'enfant exprime simplement une conscience astralisée qui est collective, extrêmement collective. L'enfant est extrêmement simple, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas tellement de barrières de l'ego, pour la simple raison que lorsque l'enfant exprime des choses, normalement, l'enfant les exprime selon sa génétique. Et sa génétique est ce qui va permettre l'expression première des plans astro-réincarnatifs. Et normalement, une génétique qui a un peu d'allure permet l'expression primaire, donc première, de la réincarnation hautement spiritualisée du monde astral. Donc normalement, l'enfant qui exprime simplement ce qui le constitue, donc ce qu'il est au niveau terrestre, exprime normalement quelque chose de beau, de bien, de correct. Mais il n'exprime pas de l'esprit. Lorsque l'enfant exprime de l'esprit, la première façon de le voir, c'est que premièrement, il va faire peur aux adultes. Parce que dans son regard, dans sa gestuelle, dans sa parole, il y aura comme un adulte caché dans l'enfant. Alors, l'enfant n'exprime pas de l'esprit dans sa simplicité. L'enfant exprime de la spiritualité, donc de l'astral extrêmement haut, extrêmement bon. Et c'est tout à fait normal, parfait et correct. C'est un poisson quand même très frais. Il y a aussi du poisson canadien que l'on pêche ici en abondance, mais que les Canadiens n'aiment pas. C'est comme un juste harangue ou encore du macro. Heureusement, il est apprécié ailleurs. On va exporter ce poisson. Si vous n'aimez pas le poisson... Est-ce le temps de se regrouper dans un autre endroit énergétique, les Laurentides par exemple? Je ne comprendrais pas, mais c'est enregistré sur la cassette. Bon, c'est le temps de se regrouper dans un autre endroit énergétique. Les Laurentides, non. Ce n'est pas le temps de se regrouper dans les Laurentides ou dans un autre endroit énergétique. Pour la simple raison. Que tout se passe à Montréal. Tout se passant à Montréal, l'être humain a donc une nécessité vitale, énergétiquement, d'être ou de venir à Montréal. La personne peut évidemment envisager un déménagement dans les Laurentides, mais ça ne veut rien dire. Parce que ce n'est pas celui qui sera dans les Laurentides qui fera partie de ceux qui, à un moment donné, survivront. Même si pour survivre, il faut presque essentiellement être dans les Laurentides. Donc, on ne peut pas déménager dans les Laurentides d'une façon égoïque. À un moment donné, les personnes vibreront le fait qu'ils devront simplement s'en aller. Ce n'est pas le temps. Pourquoi? Parce que le bassin montréalais, le bassin métropolitain est présentement le centre-source à l'échelle du Québec de la disons, de la mixtion. Une espèce de mixture où on a mixé deux choses. Montréal a l'avantage d'être placé sur une bouche. Donc les grandes gueules, évidemment, vont parler à Montréal. Une bouche tellurique, c'est-à-dire que Montréal est placé sur une faille. Là où il y a une faille, il y a énormément d'énergie tellurique qui sort par la faille, beaucoup plus que partout ailleurs. C'est pourquoi d'ailleurs les humains, les hommes, ont quasiment toujours construit leurs grandes villes sur des bouches pour pouvoir communiquer avec la mer, la terre. Donc ils ont quasiment toujours construit leurs grandes villes sur des failles sismiques. Et évidemment, les télécatastrophes, c'est quand la mer a lancé des petits. Lorsque l'humain vit à Montréal, il a l'avantage de pouvoir vivre dans un secteur mentalisé, supramentalisé, donc énergétiquement supramental, et extrêmement astralisé, donc spirituellement astral, ce qui permet à l'humain de pouvoir transiter, donc de vivre la phase transitive de l'homme transitif, de la femme transitive, d'une façon beaucoup plus ajustée à son comportement énergétique, à la correspondance ou à la résonance énergétique qu'il vit lui-même entre ses plans astraux, le contexte du monde des morts qui l'habite son âme, et le plan supramental qui est présentement apparent chez lui qu'à titre de trace. Si l'humain décolle dans les Laurentides immédiatement et qu'il est dans une phase de transition plus ou moins avancée ou même avancée, il risque d'avoir de la difficulté physique, biologique, à supporter le contexte du contact supramental. Maintenant, il y a évidemment des humains qui vont pouvoir y aller parce que toutes les Laurentides ne sont pas énergisées de la même façon. Il y a des régions qui sont un peu plus énergisées, d'autres qui sont un peu moins. Mais les Laurentides le sont de toute façon beaucoup plus que la plaine du Saint-Laurent ou les cantons de l'Est. Alors c'est donc sage présentement au niveau écologique, au niveau bio, vitalo, astralo, mentalo, écologique, de rester dans une région ou de participer ou d'assister à sa propre mutation de conscientisation dans une région comme Montréal, Québec. Surtout Montréal, mais disons que les villes ectopiques peuvent aussi, disons, en profiter. Pour la simple raison que ça permet la transition de ce que vous êtes à ce que vous êtes, ou si vous préférez, de ce que vous êtes à ce que vous allez être, d'une façon beaucoup plus douce. Alors, c'est donc pas le temps de déménager. Mais on peut déménager, pas. Est-ce vrai que notre calendrier actuel aurait de 13 à 17 ans en retard? Donc, l'an 87, à ce moment-là, serait l'an 87. Qu'en sais-tu? Bon. Si notre calendrier actuel a 13 ou 17 ans de retard. Ce qu'il faut comprendre au niveau du calendrier, comme savoir si l'an 87, c'est l'année, par exemple, 2000, ou etc. Ça n'a rien à voir. Lorsque moi je parle de dates, je parle des dates à partir du calendrier romain. Qu'on connaît. Lorsque Michel de Notre-Dame parle de dates, il parle des dates à partir du calendrier romain qu'on connaît. Lorsqu'Edgar Cayce parlait de dates, d'ailleurs Edgar Cayce, il faut remarquer que la majorité de ce qu'il dit, c'est des foutaises astrales. Il s'est pas trompé, il s'est fait carrément fourrer. Lorsqu'Edgar Cayce parle de dates, il donne des dates qui sont reliées au calendrier romain, donc le calendrier actuel, celui que l'on se sert, qui commence avec Janus, janvier. La numérologie n'ayant de caractère fondamentalement utile que dans la tête de la conceptualisation de l'astral, savoir si nous sommes en 1987 ou en l'an 2000, ça ne sert à rien. Absolument à rien. On peut calculer le chiffre 2 par rapport au 3-0 de l'an 2000, on peut prendre 1987, additionner les chiffres ensemble pour en faire une théologie numérique, une théosophie, pour arriver à essayer de comprendre la connotation astrale réglée par le plan du monde des morts, dirigé par les astres pour essayer de savoir ce qui va se passer au niveau de notre planète, si les prophéties de l'Antiquité s'adressent à aujourd'hui ou non. Sachez une chose, c'est que l'intelligence n'est pas régie par le plan des nombres. Les nombres sont de l'explication intellectuelle du monde de l'homme, et les nombres sont une correspondance résonante de l'intellect astral de l'homme pour essayer de comprendre ce que l'astral lui-même n'arrive pas à saisir, donc ce que la théologie n'arrive pas à saisir. Alors on va donc cartésianiliser, c'est-à-dire qu'on va rendre plus cartésien le mécanisme de la perception intuitive du monde cosmique dans lequel l'homme tente son évolution. Et la rendant plus cartésienne, on va la mathématiser et on va se servir du nombre. Le nombre et la correspondance. Remarquez une chose, c'est qu'au niveau des plans cosmiques, tant que l'homme va observer le cosmos à partir des nombres, il ne verra le cosmos qu'à partir de l'astral. Tant que l'humain va observer le cosmos à partir de sa théologie, il ne verra le cosmos qu'à partir de l'astral. Sauf que l'intellect étant numéral, et la théologie, l'astral lui-même n'est pas numéral, l'intellect étant numéral, ça sera pas long. C'est intéressant. C'est encore ta faute. Étant donné que la théologie fait partie de l'astral qui est spirituel et que la numérologie, ou les nombres, toute la science, de toute façon, font partie d'une religion intellectuelle. Ben, la science, ça vient du monde des morts. Ce n'est pas une religion en ce sens que ça ne veut pas relier l'homme à Dieu, ça veut relier l'homme à des chiffres. Et ces chiffres-là doivent désigner l'univers, les trous noirs, la conscience, la création, tout ça. C'est le même phénomène, une religion mathématique, une religion théologique. Lorsque l'humain parle de nombres, du point de vue de l'homme, lorsqu'il calcule comment, par exemple, Mars doit tourner, lorsqu'il calcule, par exemple, l'astrologie conventionnelle, parce qu'à un moment donné, faites-vous-en pas, il y a des humains qui vont inventer la cosmologie, c'est-à-dire la façon dont, parce que plus la science va avancer, plus le monde de l'occulte vont essayer. Lorsque je parle de monde de l'occulte, il y a deux formes de monde de l'occulte. Il y a le monde de l'occulte qui font partie de l'occultantisme, c'est-à-dire... mets ton micro à terre, ça va régler tous les problèmes. Éteins-le en même temps. Hein. Oui, éteins-le. Éteins. OK. Il est intéressant. Là-bas, ils font de l'alchimie. Bon, lorsque la science va... Je suis sûr que c'est de ta faute. Lorsque la science... C'est intéressant aujourd'hui. Il y a des choses que je veux dire que astralement, c'est compliqué. Savez-vous pourquoi? Parce que premièrement, nous sommes dans une région du bassin montréalais. Énergétiquement, ça crée de fabuleux problèmes. L'amplificateur a sauté ce matin parce qu'on s'apprêtait... Enfin, je m'apprêtais à dire des choses intéressantes. Et on a des problèmes pour essayer de perturber, non pas ma conscience énergétique, mais la vôtre. Parce que moi, je continue à suivre le même fil de mes idées, mais évidemment, c'est plus compliqué pour vous. Je dois donc parler comme je le fais là pour vous permettre de prendre une pause, de vous rebrancher énergétiquement. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'amuse, on rit un peu. Bon. Mais de toute façon, faites-vous-en pas, on va équiper le système de façon à ce que l'astral aille se faire foutre. Ils vont maganer les systèmes de son des centres ailleurs. Bon. Lorsque l'être humain... envisage la conceptualisation mathématique de l'univers, donc des galaxies, des autres systèmes solaires. Cela va faire que l'astral va connaître cette phénoménologie et on aura, au-delà de l'astrologie, à un moment donné, une cosmologie, c'est-à-dire un nombre de personnes qui vont essayer d'expliquer la correspondance cosmogonique de l'homme, non plus à partir de l'astrologie, mais à partir d'une cosmogonie, donc d'une cosmologie, c'est-à-dire qu'on ne parlera plus simplement des sept planètes, mais on va parler aussi des sept soleils, et on va aussi parler des sept galaxies. Mais tant que l'être humain va essayer d'expliquer ce qui se passe chez lui à partir des nombres qu'il a découverts dans le plan du monde des morts de la planète Terre, pour essayer d'expliquer la mécanicité des mondes extraterrestres, autres des mondes disons, extrasolaires, ceux qui n'ont pas rien à voir avec le système de notre soleil, l'être humain sera toujours en train d'essayer d'expliquer d'une façon astrale une correspondance vibratoire qui est au-delà du plan de l'astral. Donc, de ce fait, se poser la question si 1987 est l'an 2000, 13 ou 17 ans, ou 10 ou comme vous voudrez, ça n'a rien à voir pour la simple raison que l'astrologie n'est jamais arrivée à expliquer l'évolution de l'homme. La numérologie non plus, la cabale encore moins. La cabale, elle explique quoi, la cabale? Elle explique le ciel. Elle ne peut pas expliquer l'intelligence. La cabale, ce n'est pas intelligent de la cabale. C'est de la foutaise de la cabale. C'est intéressant pour l'humain qui est cabalisé. C'est intéressant pour l'humain qui vit dans le monde de la mort, dans un monde des morts qui a été toujours régi par de l'intelligence jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et par le fait que l'être humain aime les choses qui lui permettent non pas de se relier. La cabale, c'est quoi? La numérologie, c'est quoi? Ça ne relie pas l'homme à Dieu, ça relie la religion à la science. La cabale, la théologie numérique, la numérologie, ça fait cela. L'astrologie, c'est quoi? C'est de l'occultisme. Il y a deux mondes occultes. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui tend à occultiser les choses, donc à rendre les choses occultes. Ce monde occulte est celui qui va travailler avec la numérologie, est celui qui va travailler avec la cabale, est celui qui va travailler aussi avec la cosmologie, c'est-à-dire plus tard, lorsque les ordinateurs seront suffisamment imbéciles pour être compris par les humains imbéciles, alors les humains imbéciles pourront se servir de mathématiques plus grandioses pour essayer de prouver à l'homme qu'en fin de compte, les planètes ont une petite, disons, influence sur l'homme, mais qu'en réalité, Andromède en a beaucoup plus. Alors, on aura des soleils, on aura des galaxies, on aura des choses comme ça qui vont permettre à l'humain, on a eu à un moment donné les tendances biorhythmiques, qui sont encore une fois une tentative d'expliquer la nature biologique à partir d'une numérologie. Mais ça, c'est toujours le concept intellectuel-mental, et qui est régi par le plan de l'astral, qui essaye continuellement d'obliger le plan de l'homme qui évolue, qui se conscientise, de faire le lien entre la théologie et la science. Le plus beau rejeton de la science théologique, c'est la scientologie. Bon, lorsque l'être humain se sent obligé cosmiquement, disons, planétairement, d'éprouver, d'expliquer, de prouver à son ego et à son intellect, parce que vous savez une chose, c'est que l'intellect, c'est l'ajusteur psychologique. Lorsque l'intellect commence à être écrasé par le plan du mental, l'intellect essaie d'avoir, pour que l'intellect s'efface, il doit avoir des réponses qui lui plaisent. Et là va entrer la numérologie, tous les phénomènes numéraux, pour essayer d'expliquer à l'homme telle chose, la loi des correspondances. Mais la loi des correspondances, ce n'est pas régi par l'intelligence, c'est régi par le plan du monde des morts. En 1919 naissait telle personne, et en 1929 naissait une autre personne, les deux sont nés sur la même date, ils se sont mariés avec une femme similaire à la même date, et ils ont eu un accident à la même date, ils sont morts à la même date, les femmes portaient le même nom, ils ont eu les mêmes enfants, ils ont eu trois enfants aux mêmes dates. Est-ce que ça voudrait dire que, ça veut simplement dire que, sa planète, je suis sûr qu'il est troisième aussi, qui a eu le même phénomène. Plus on sera d'humains, plus il y aura de possibilités de correspondance. Est-ce qu'il y a une loi mathématique de la correspondance? Il y en a une au niveau du monde des morts. Mais il n'y en a pas une qui régit l'intelligence évolutive implosive de l'homme. Alors, ce que l'on veut savoir, qu'est-ce que c'est que les chiffres? La chiffrologie, c'est de la merde, c'est une foutaise. Ça fonctionne tant que l'homme est régi par le monde des morts, mais ça ne fonctionne plus à l'instant même où l'homme commence à être régi par le plan de l'esprit. Alors, celui qui veut continuer à se conscientiser, à régir sa conscientisation, son évolution, à prévoir la mécanicité, disons, actuelle du temps, à partir des chiffres, de l'astrologie, de la numérologie, de tout ce qui est apparemment mathématique, informatisable, il veut continuer à être régi par le monde de la mort. Il ne veut pas être régi par de l'intelligence. L'intelligence n'a pas besoin de la mathématique. La mathématique, c'est de l'intelligence intellectuelle qui permet à l'ego, donc à l'astral de l'homme, de pouvoir arriver à régir sa vie ou à régir les vies d'une façon coordonnable, donc d'une façon mathématisable. Mais les mathématiques ne sont de la merde. 2 et 2 ne font jamais 4. Mais dans la tête de l'homme, si 2 et 2 font toujours 4 et que si on réussit à le faire croire à tous les humains, et qu'on réussit même à structurer la matière de façon à ce que l'humain puisse à un moment donné redécouvrir que 2 et 2 font 4, alors, évidemment, lorsqu'on dira 2 et 2, l'humain répondra 4. Ça le collectivise l'homme. J'ai déjà expliqué le fait qu'on pouvait facilement prouver que 1 plus 1 donnait 1 et que 2 moins 1 donnait 2. Mais dans la mathématique, ne demandez pas ça à un ordinateur. L'ordinateur, c'est de l'intellect. L'ordinateur, c'est de l'intellect mental qui est créé par l'astral de l'homme et qui, évidemment, va donc fonctionner à partir du palliatif numéral du monde de la mort. Si vous prenez un papier, le papier, il a une extrémité ici, une extrémité là. Et si vous coupez le papier en deux, alors j'ôte une extrémité, et puis il me reste encore une extrémité ici, puis encore une extrémité là. Donc, 2 moins 1 donne 2, c'est évident. Si vous prenez deux cordes, alors une corde plus une corde, vous attachez ensemble, ça fait une corde. 1 plus 1, ça donne 1. Et ce n'est pas philosophique, spéculatif, c'est de la mathématique réelle, c'est vrai. Mais donnez pas ça à un ordinateur, il faudra lui donner un maudit programme pour qu'il arrive à comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on n'explique pas, on ne peut pas expliquer toute la phénoménologie de la matière, de l'évolution, à partir des sciences. Moi, à un moment donné, il y a des personnes qui vont demander, et qui vont me demander de plus en plus souvent, de prouver. On peut prouver en le vivant. Alors, ils vont vouloir avoir des preuves mathématiques, des preuves qu'eux autres vont s'enorgueillir de dire scientifiques. Une preuve scientifique de l'existence de l'homme, bien, moi, on disait qu'il ne pourra pas en face. Il ne pourra pas la mathématiser, mais elle sera scientifique. Évidemment, l'humain qui va recevoir ça ne pourra pas la comprendre parce que l'ego va vouloir se défendre. Alors, on va me dire, Monsieur Kem, qui êtes-vous? Je suis moi-même. C'est réellement pas mathématique parce que si c'est je suis psychologue, alors on va dire, bon, alors il y a tant de pourcentages de psychologues qui ne sont pas bons, tant de. Bon, on peut mettre des mathématiques. Si je dis je suis un marginal, ah, alors là, on a tant de marginaux, c'est des drogués, pourcentage pour ceci, cela, cela, cela, cela, et quelques-uns à l'asile. Alors, qui êtes-vous? Je dois donc toujours, à un moment donné, de toute façon, l'humain va devoir s'arranger pour échapper toujours à la mathématisation pour la simple raison que c'est la tentative de l'intellect de pouvoir expliquer des choses que l'intellect ne peut à peine comprendre, mais de façon à ce que l'ego puisse avoir l'illusion qu'il les comprend. La numérologie, on s'en fout, le calendrier, on s'en fout, la Terre, il est en 1987 à partir de l'an du temps où on a décidé de chronométrer à partir d'un événement majeur où on pense être la naissance du Nazaréen. Mais chez les Juifs, on n'est pas en l'an 1987. On est quelques milliers d'années en avant. Et si on va voir d'autres religions, d'autres systèmes, parce que si on va à Lhasa, au Tibet, on n'est pas en 1987. On est plusieurs milliers d'années après la naissance de Bouddha. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres, ça fonctionne pour le monde des morts. Exactement comme les rêves. On peut analyser les rêves. L'analyse des rêves, ça ne sert à rien. Ça permet à l'homme de savoir ce que le monde des morts attend de lui. Mais ça ne permet pas à l'homme de savoir quel genre de mutation au niveau de l'intelligence il vit. Il y a énormément de choses que vous allez devoir apprendre à abandonner. La numérologie, ça marche. La preuve, l'homme meurt. Mathématiquement, on peut le prouver. La numérologie, ça marche. Ce n'est pas parce qu'une chose marche qu'une chose est bonne. La chose, elle marche parce qu'on est dans un monde où ça marche. Mais ce n'est pas de l'intelligence. Les mathématiques ne sont pas intelligentes. La mathématique ne donne jamais aucune réponse à l'homme. La mathématique, elle ne sert à rien s'il n'y a pas un homme pour jouer avec. Ce n'est pas les mathématiques qui donnent des réponses, c'est l'homme qui les crée à partir des mathématiques. Mais un autre peut prendre des marques de thé, un autre les lignes de la main, un autre une boule de cristal, et puis un autre peut prendre la boîte. La mathématique, elle ne sert à rien. Laisser un ordinateur tout seul dans son coin, il ne foudra rien. Laisser même placer un paquet de chiffres ou de formules algébriques, trigonométriques, etc., ça ne servira à rien. On a besoin de l'homme. Mais non, l'homme n'a pas compris. L'homme est un médiocre. L'homme est un imbécile idiot. L'homme pense que les mathématiques, ça permet de créer, ça permet de sauver, ça permet de construire, d'aligner, d'envisager. Les mathématiques, ça permet simplement de suppléer à ce que l'astral ôte dans la conscience de l'homme. Et cela est remplacé par les mathématiques, par la science mathématique, qui permet à l'homme d'avoir une réponse prévue par l'astral, et vu que l'homme calcule selon les lois de l'astral, l'homme ne pourra jamais échapper à la réponse de l'astral, l'homme ne pourra faire autrement que de découvrir la réponse prévue par l'astral, parce que l'homme, par la mathématique, suit le chemin, les rails de l'astral. Alors évidemment, tous ceux qui vont être régis par la mathématique arriveront donc tous à la même réponse, et parce que toutes les pauvres caves arrivent à la même réponse, on dit que c'est une preuve scientifique. C'est une preuve astrale. On est régis. Ceux qui sont mathématiques, les scientifiques, comme les théologiens d'ailleurs, sont tous régis par des lois, par des chemins bâtis par le monde de la mort. Lorsqu'une personne veut calculer des choses, il embarque dans les rails du monde de la mort, un rail qui a été prévu pour les intellectuels qui, à un moment donné, pourraient s'échapper de l'émotivité astrale. Et là, ils suivent le chemin. Et parce qu'ils arrivent là et que nous, on est deux différents et qu'ils calculent lui aussi, ils arrivent au même chemin, on va dire, c'est scientifique. Il n'y a pas eu d'émotion là-dedans. On n'a pas coloré nos choses. Non, on a suivi un chemin qui n'était pas le nôtre. Alors, les mathématiques, oubliez ça. Vous devez le sentir chez vous. Vous devez savoir que vous savez. Vous ne devez pas mathématiser les choses. Je parle d'année 1987, c'est pour communiquer. Mais pas au niveau calcul. Quelqu'un me dirait, qu'est-ce qu'elle a de spécial, 1987? 1 plus 9 plus 8 plus 7. Alors, rien de spécial, 1987. C'est l'humain qui est sa planète qui est spéciale, pas l'année. Alors, les chiffres, la science, c'est intéressant. Ça permet aux mortels de pouvoir être régis par le monde de la mort et de pouvoir, dans l'illusion de son évolution, avoir la conscience apparemment évolutive, qu'il a une forme de gestion sur la matière et qu'il est capable, par ses mathématiques, d'arriver à des réponses matérielles, à des réponses médicales, à des réponses électroniques, à des réponses mentales, et même d'arriver aussi à diagnostiquer des processus de maladies psychologiques ou psychiatriques. Et finalement, dans l'égoïsme parfait de la cabale astrale, d'arriver par la mathématique à pouvoir calculer et connaître Dieu. Mais la mathématique s'arrête au contexte de la Terre. La mathématique s'arrête au contexte mental. Au-delà, il n'y a pas de maths. Au-delà de tout ça, il y a le savoir instantané qui n'est pas mathématisable et qui ne peut pas être prouvé scientifiquement. Une preuve scientifique, c'est quoi? C'est une preuve qui est expérimentée, et expérimentée, et expérimentée, et expérimentée, et quand ça donne toujours le même résultat, on dit c'est prouvé. L'instantanéité de la vie, du plan de l'esprit, de l'intelligence supramentale ne peut pas être expérimentée. Ça ne peut donc pas être prouvé. Ne pouvant être expérimenté, ne pouvant donc pas être prouvé. Il ne peut pas être amené, il ne peut pas être enseigné comme tel à ceux qui ne l'ont pas. Vous devez être dans un cheminement de conscientisation ou bien vous ne l'êtes pas. Bon, on ne peut pas prendre des personnages, des corps physiques, par exemple, d'une race sous-développée et leur amener la conscience supramentale comme on peut leur amener Dieu. On ne peut pas, ça ne marche pas. Dieu, on peut l'amener parce que Dieu fait partie du plan émotif de l'homme. Alors, les êtres sous-développés ont un plan émotif. Ça va de soi, ils sont sous-développés. Les mathématiques, on ne peut pas les amener à tout le monde. Ça fait partie du plan intellectuel de l'homme. Mais le plan supramental, on ne peut pas l'amener en bas du plan supramental. Et lorsqu'une personne finit par savoir, elle n'a pas besoin de mathématiques. Elle ne sort pas sa calculatrice ou son ordinateur, aussi puissant soit-il, pour savoir si effectivement elle est dans une bonne correspondance, je ne sais quoi, numérale, pour pouvoir penser que ce qu'elle a eu comme contact est un contact. Elle sait qu'elle l'a ou qu'elle ne l'a pas, mais elle le sait. Ça ne se prouve pas et ça ne peut pas être prouvé. Dans une conférence spéciale, tu as recommandé que nous soyons groupés. Est-ce pour l'égrégore général PMC ou pour le bénéfice de chaque individu? Se grouper au sein des autres? Oui. Ça marche pas. Dans une conférence spéciale, tu as recommandé que nous soyons groupés. Est-ce pour l'égrégore général PMC ou pour le bénéfice de chaque individu? Se grouper au sein du centre même ou se regrouper à l'extérieur? Une chose importante à comprendre, c'est que le regroupement amène évidemment une correspondance énergétique beaucoup plus grande, c'est-à-dire que les humains qui se regroupent ont une facilité à pouvoir augmenter l'égrégore mental qui les anime, c'est-à-dire que s'ils se groupent ensemble, ils ont la faculté de s'auto-énergiser eux-mêmes, donc ils ont la faculté par la parole, lorsqu'ils se groupent, d'arriver à se connaître. Je ne parle pas de se connaître l'un l'autre, je parle de se connaître individuellement. Cela veut dire que lorsque des individus du PMC se groupent pour parler, s'énergisent auto-énergisant eux-mêmes, ils montrent leur propre vibration, ce qui est un exercice absolument extraordinaire au niveau de la conscientisation. Se regrouper ici ou ailleurs, ça n'a aucune importance. Se regrouper de temps en temps, histoire de juste pouvoir expliquer, changer et parler. Maintenant, on ne doit jamais faire un regroupement PMC pour essayer ou pour commencer à expliquer ce que nous vivons soi. On peut toujours le faire, mais ce n'est pas le but des regroupements. Regroupez-vous de temps en temps et essayez de parler sur n'importe quel genre de question. Ça devient intéressant et ça devient énergisant. Concernant le livre, à quoi sert d'autographier un livre? J'ai déjà lu le livre La différence que tu as écrit. Je me demande si les gens, le public reçoit, seront capables de tout saisir. Pour ma part, c'est le meilleur livre que j'ai lu et je le recommande à tous les PMC. Bon, le fait que je me demande si les gens du public pourront être capables de tout saisir ce qui est dans le livre. Évidemment que le livre a été écrit pour les personnes qui sont transitives. Il a été suffisamment ajusté pour pouvoir faire des hauts d'égo, pas des hauts de cœur, mais des hauts d'égo, à ceux évidemment qui vont le lire. Alors, le monde n'est pas si cave qu'on pense. Sauf que le monde n'a pas toute la faculté de pouvoir parler ou de pouvoir se... À un moment donné, s'instruire que ce qu'ils pensent ou ce qu'ils vivent ou ce qu'ils disent est peut-être quelque chose de correct. Alors, faites-vous-en pas, le livre va très bien passer parce que le Québécois est un personnage relativement, potentiellement évolué. Il lui manque quelques coups de pied au cul. Et le livre La différence, c'est déjà un très bon coup de pied au cul. Pour les PMC, c'est évident que ça peut permettre à un paquet de personnes de comprendre un mot, un paquet de choses qui se passent que je n'ai pas l'énergie de parler en conférence nécessairement toujours. À quoi sert d'autographier un livre? L'autographiation du livre, bon voilà, alors j'ai autographié 500 livres que nous avons vendus par numéro. Les numéros, c'est pour plaire à l'ego des personnes qui vont acheter les livres en premier. Et l'autographe est une forme d'énergie placée dans un livre qui permet à l'astral de bien cristalliser que le mouvement qui va suivre par rapport au livre est un mouvement qui est engendré par celui qui a écrit le livre. C'est-à-dire que lorsque l'on met un nom sur un livre, il n'y a pas nécessairement d'énergie. Le nom étant été écrit en photocomposition sous la couverture, il n'a pas d'énergie de Daniel Kemp. Placé en 500 livres sur le marché, autographié, automatiquement, les livres ont une correspondance astrale énergétique qui permet à l'astral de pouvoir savoir. L'astral sache bien que c'est moi. Lorsque je parle, astralement, on sait qui parle. Lorsque j'écris, astralement, on doit savoir qui écrit. Alors, c'est la simple raison du fait que j'ai dédicacé, enfin, autographié les livres. Je n'autographierai pas tous les livres. Évidemment, ça ne sert à rien. Il y en a suffisamment maintenant qui sont dans le public pour pouvoir énergiser d'une façon parfaite l'égrégore astral de la collectivité évolutive du Québec. De cette façon, comme vous apprenez en PMC4 en montant, on doit laisser sa trace, à un moment donné, au niveau des plans astraux, pour que l'astral sache qui vous êtes. Alors, l'astral sait très bien qui je suis, pour les auditifs. Et l'astral, maintenant, va savoir très bien qui je suis, la partie astralisée qui est en correspondance avec ceux qui préfèrent être visuels. C'est pourquoi j'ai autographié. Depuis un peu plus qu'une semaine, je vis un certain potentiel énergétique. Est-ce dû à cette entrée d'énergie supramentale par effet depuis le 4 novembre? Et depuis ce temps, je perçois l'astral qui cherche de plus en plus à me manipuler. Est-ce encore dû à cet effet? Bon. Voyez-vous, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est utile chez l'humain? Qu'est-ce qui est utile chez l'humain? Est-ce que l'homme a un contrôle sur la descente d'énergie supramentale? Non. Alors, est-ce que c'est utile de savoir si c'est ceci ou cela? Non plus. Est-ce dû à la rentrée d'énergie supramentale, mais on s'en fout. Depuis ce temps, je perçois l'astral qui cherche de plus en plus à me manipuler. Il est réussi encore. Est-ce encore dû à ses effets? Ça n'a rien à foutre. Est-ce que l'homme est obligé d'attendre après une descente d'énergie supramentale pour évoluer? On parle d'énergie supramentale, on parle de phénomènes pour instruire vos égos. C'est bien évident qu'il y a une correspondance résonante énergétique qui porte un nom au niveau du langage planétaire terrestre, supramental, en français. Mais est-ce que moi, je me suis posé la question, de toute façon, est-ce qu'il y a une intelligence? Est-ce que vous vous demandiez, hey, c'est-tu ça ou c'est pas ça? Ça ne va rien changer chez vous. Contentez-vous d'observer ce qui se passe, puis contentez-vous aussi de poser des questions de façon à pouvoir observer la question par la suite et vous demander s'il y a de l'intelligence dans la question. Le fait que la personne observe de plus en plus les manipulations astrales, c'est au bout, mais le fait que la personne pose des questions, savoir c'est pourquoi, cela veut dire que la pauvre petite personne n'est pas encore capable de pouvoir supporter le fait qu'elle voit clair. Alors, elle cherche une maudite raison à l'extérieur. Elle ne voit pas clair parce que la Terre rentre dans un contexte supramental plus puissant. Elle voit clair parce qu'elle, elle est beaucoup plus puissante qu'elle ne veut le croire. C'est cela que l'on doit retenir du phénomène. Et plus vous allez vous laisser distraire par les phénomènes astraux, plus vous allez perdre de cette vibration qui pourrait vous animer et qui pourrait vous permettre de comprendre ce que vous êtes. Plus ça va aller, plus le temps des niaiseries doit se terminer. On doit finir par cesser. Et pour finir par cesser, il faudra un bon coup de pied au cul. C'est-à-dire qu'il faudra à un moment donné être suffisamment énergisable et énergisé par quoi que ce soit pour pouvoir faire un petit pas là où on doit faire le pas. Lorsque l'humain se dit, est-ce que c'est mon maître qui me fait faire ceci? Ben l'humain est un maudit cave, parce que c'est lui qui le fait la chose. Qu'il soit manipulé ou non, il est manipulé. Mais est-ce que c'est nécessaire de savoir par quoi lorsqu'on se passe quelque chose? Lorsque l'on dit, ouais, mais est-ce que c'est par l'astral? Si tu vois pas d'intelligence, fais le pas. Je me fous bien de savoir c'est par quoi. On parle de l'astral pour pouvoir permettre à l'humain de comprendre la mécanicité, à un moment donné, des formes manipulatoires au niveau de son évolution. Et tout. On parle pas de l'astral pour que tu puisses dire, mon esti d'astral, si un jour tu te mets une chemise, il va te payer le collet, puis il va te tenir. On parle pas de l'astral pour le personnifier. C'est pas un être humain, l'astral, c'est une condition expérientielle. Ça peut manipuler, ça peut emporter, ça peut tuer, ça régit. Mais ça le sait pas. Alors, on ne doit pas vouloir savoir. À cause de quoi qu'à un moment donné, on devient plus voyant? À cause de quoi qu'à un moment donné, on devient plus brillant? T'es un trip de l'ego! L'ego veut savoir si, je ne parle pas nécessairement pour la personne qui a posé la question, je parle en même temps pour tous ceux qui pourraient à un moment donné se demander si c'est à cause de ceci ou de cela. Le programme être contrôleur, c'est efficace. C'est à cause de ceci ou à cause de ça ou à cause de ça, ben on s'en fout. Ça marche. Et il y a des choses qui sont amenées au niveau du PMC qui vont servir dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais l'important, c'est de savoir ce que vous êtes. À un moment donné, vous avez un emploi qui est parfait. Vous écrasez-vous devant le bureau du gars qui vous engage. C'est à cause de ma mère que je suis rendu, que je peux me trouver dans... Prends ton emploi, puis travaille dedans, ramasse ton argent, puis continue à avancer, puis oublie le reste. Parce que on peut pas inventer un culte supramental. C'est à cause de l'énergie, c'est à cause, j'explique, une mécanicité. Quand le soleil se lève et qu'il n'y a pas trop de nuages, il fait plus chaud. Dépendant évidemment de l'angle de réflexion du soleil sur notre Terre. Mais quand il fait chaud puis tu as besoin de chaleur, puis qu'il y a de la chaleur, absorbe la chaleur, ça va te réchauffer. L'humain veut savoir si le soleil qui est là est le soleil qui porte le nom de son Dieu, qui porte le nom de ceci ou qui porte le nom de cela. Si vous voyez un peu plus la manipulation astrale, servez-vous de cette vision pour être de moins en moins manipulable. Pas pour vous demander comment ça se fait. C'est normal, c'est naturel qu'à un moment donné, que tous parmi vous, vous allez arriver à voir un peu plus. C'est à cause de Daniel Kem, c'est à cause des plans supramentaux, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon chat, de ma plante. Non, c'est vous. Vous devez être vos seuls maîtres. Et le maître qui manipule sa vie ne se demande jamais si c'est à cause. Parce que quand c'est à cause, c'est pas long que c'est grâce à. Puis c'est pas long que quand c'est grâce à, c'est merci de me l'avoir donné. Et ça, c'est un agissement d'esclave. De manipuler par de l'inintelligence. Alors, on ne doit pas vouloir savoir à cause de ceci, à cause de cela. Pas de cette façon. Si moi, je veux savoir à cause de quoi que telle personne souffre telle chose, je sais qu'est-ce que c'est. Je sais déjà la réponse. C'est un phénomène astral ou intelligent. Alors, je peux aller dans le monde parallèle du monde des morts, donc de l'astral. Je peux aller voir quel genre de manipulateur astral manipule la personne. Je vérifie s'il n'y a pas un contact intelligent qui manipule l'astral à manipuler la personne pour instruire l'ego de la personne. Et s'il n'y en a pas, et si j'envoie l'intelligence, je peux instruire cet astral de crisser son camp et d'abandonner la personne pour que la personne redevienne un peu plus elle-même. Et la personne, elle n'aura jamais de traces chez elle qui pourra lui faire dire, « Si tu reçu Daniel qui est venu? Si je peux instruire l'astral de laisser une personne en paix, c'est que je t'ai instruit à pouvoir le faire. Donc, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à ce qui m'a instruit. Et ce n'est pas grâce à ce qui m'a instruit. C'est grâce à ce qui a instruit l'astral que lorsque celui qui m'instruit m'enverrait ou j'irais moi-même le faire faire, faudrait que l'astral s'en aille. En fin de compte, c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce au fait que... Ben, c'est grâce à rien. Pas de merci, pas de grâce, pas de ceci, pas de cela. Lorsqu'une personne se dit, présentement, j'ai des problèmes, c'est-tu l'astral? Mais non, mon pauvre ami, c'est pas l'astral! C'est l'arbre d'en cours! Alors, à tout bout de champ, faut répondre, ben oui, c'est l'astral! C'est sûr que c'est l'astral! Il y a juste ça, sa planète, qui ressemble à l'intelligence, puis qui déforme l'homme. Alors, demandez-vous pas, c'est quoi? Puis si vous posez la question, es-tu intelligent? L'astral, aussi conne soit-elle, est toujours régie par de l'intelligence, la même qui vous régit vous. C'est toujours intelligent. Ce qui arrive. Pas par quoi ça l'arrive. C'est toujours intelligent, pourquoi? Parce que ça vous pousse dans le derrière. Ça vous oblige à réfléchir, ça vous oblige à penser, ça vous désennuie, ça vous fait vivre. Ça vous rapporte en relation avec la vie. Ça vous oblige à intellectualiser, ça vous oblige à mentaliser. À un moment donné, ça vous plugue avec vous-même. Et là, lorsque vous êtes plugué avec vous-même, il y aura une lutte. La lutte, vous la vivez déjà. Une lutte entre l'ego qui ne voudra pas perdre les rênes et le plan supramental qui s'impose par son poids. Et à travers une multitude de souffrances, minimes ou grandioses, selon chacun, selon la résistance de son ego, selon son orgueil, le plan supramental va s'imposer à un moment donné d'une façon complète, irréversible. À cause de... C'est comme ça. Alors, est-ce que c'est l'énergie qui pénètre? C'est évident que l'énergie qui pénètre va faire en sorte que chez vous va se passer un paquet de choses. Mais ce n'est pas utile, ce n'est pas une question importante de demander si c'est ça. Ça ne sert à rien. Il faut que je me fende en 8 pour arriver à répondre d'une façon intéressante et utile à cette question. Je vais la reformuler, puis la reformuler, puis la reformuler, puis là parler de toutes les mécanicités utiles, inutiles, du phénomène manipulatif du monde de la mort, de l'astral. Alors la personne qui a posé la question, il ne faut pas qu'elle se sente coupable. C'est merveilleux, elle pose une question qui me permet de dire des choses. Et maintenant, je les ai dit qu'elle la pose plus. Là, ça ne servira à rien. Tu as ouvert une voie au Pérou en novembre 85. Ne vas-tu pas la réutiliser avec un autre groupe? N'y a-t-il pas... parmi l'ensemble des PMC, des femmes qui seraient aptes à y prendre part. Bon. Le phénomène du Pérou, quelque chose qui a évidemment énergisé plusieurs égos. La première journée au Pérou, les êtres médiocres qui sont arrivés là sont placés en ligne avec les quelques 300 passagers qui descendaient du même avion pour passer aux douanes. Les 6 personnes n'étaient pas des êtres médiocres, mais avaient une suffisamment fausse humilité pour pouvoir se placer en ligne avec les 300 autres personnes. Alors, évidemment, on les instruit immédiatement qu'ils ne sont pas au Pérou pour passer le temps, mais pour travailler, ce qui fait qu'on ouvre une barrière et on les laisse passer à travers les barrières, devançant tout le monde sans être fouillés, sans passer aux douanes, et les 6 niaiseux se retrouvent dehors, dans les rues de Lima, sans être passés aux douanes, et cela au nez et à la barbe de 300 passagers qui devront attendre jusqu'à plusieurs heures avant de traverser, ceux-là sont péruviens ou étrangers. L'astral fait quoi pour manipuler les choses? C'est évident que lorsqu'on compte ce genre de phénomène un an après dans un contexte énergétiquement différent, les égos se disent « Ah ben oui, mais c'est pas si dur que ça, c'est, moi j'aimerais ça. » Lorsqu'on vous embarque dans un taxi, qu'on vous amène tout à fait où c'est que vous ne voulez pas aller, qu'on vous rentre dans un hôtel pas cher, où on fournit la viande à même les lits, où les toilettes et les collectives sur l'étage, quand elles marchent, parce que le chauffeur de taxi, évidemment, il y a une ristourne sur l'hôtel quand il amène des clients là. Et qu'énergétiquement, vous êtes dans une région à accepter de prendre cet hôtel. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ici, énergétiquement, seraient capables de diriger? Ça apparaît relativement facile. Alors, évidemment, on ne va pas là, on va à un autre hôtel, le chauffeur va nous amener à un autre hôtel qu'il connaît, nous, on veut l'amener, on veut qu'il nous amène à un hôtel que nous, on connaît, parce qu'on l'a lu dans un livre. Et en fin de compte, on décide de débarquer devant le premier hôtel qui a de l'allure venue, parce que si on continue avec lui, il va falloir quasiment qu'on te poche, parce qu'il ne faut pas nous amener où on veut aller. Alors, on prend un hôtel, tout va bien, c'est impeccable, le lendemain, on loue dans une agence de voyage, un voyage en train qui nous amène dans les Andes, là où on veut aller. À Hauha. Alors, on paye d'avance, on n'a pas le choix. Le lendemain, on rencontre la personne. Il n'y a pas de train. C'est le surlendemain, le train. Alors, elle nous a analysé deux vieux taxis qui vont nous amener dans les Andes. Les deux chauffeurs ont l'air de deux bandits. Les taxis ont trois roues usées à la fesse. Les démarreurs, tu touches deux fils et ça part. Et tu sais pas où ils vont. Alors, tu sors ta carte pour vérifier s'ils suivent le chemin des Andes. Et c'est intéressant parce que les cartes fournies, la moitié des villages ne sont pas dessus. Alors, chaque fois que tu rencontres des villages, tu es convaincu que tu n'es pas sur le bon chemin. Il passe la carte. Tout est extrêmement agréable et tout va bien. Mais est-ce qu'il nous amène à l'hôtel? Est-ce que l'hôtel, les réservations sont faites? Quand on arrive à l'hôtel la journée même, après une tempête de neige dans les Andes, les réservations ne sont pas faites, mais ils nous ont amenés à l'hôtel. On a payé pour 3 jours, et le bonhomme n'est pas au courant de rien. Parce qu'il va falloir qu'on repaye encore pour 3 jours. Tout est facile, tout est parfait. Il n'y a rien de dur. Mais quand, à un moment donné, une personne qui est parfaitement prête, qui est en parfaite santé, que tout va bien, une personne qui a fait de l'escalade partout, commence à enfler des pieds, des jambes, du bassin, du torse, des bras, des mains, de la face. Ne peut plus marcher. Qu'un autre est malade et couché pour la journée. Et puis cette personne va rester 7 jours malade et couché, enflé. Qui est prêt, qui n'est pas prêt? Vous prenez un taxi, on se sépare en groupe, évidemment, parce que la personne relativement handicapée ne peut pas suivre. Alors, c'est des fois convenu qu'on est 6, on est 3 groupes de 2, et que s'il y a un groupe qui a des problèmes, il se démerde avec ses problèmes, les autres groupes continuent parce qu'on est venu faire un travail. Je ne sais pas combien parmi vous seraient prêts à être abandonnés quelque part dans les Andes ou dans l'Amazonie par supposément ses amis, parce que ses amis ont décidé que le travail était plus important que la vie des deux personnes du groupe. Et les personnes qui seraient abandonnées seraient-elles capables de se prendre en main abandonnées, de revenir au Canada sans jamais haïr ceux qui les auront abandonnés? Parce qu'elles resteront suffisamment mentales ou supramentales pour comprendre l'intelligence de l'action des autres. C'est pas un voyage de tourisme, un voyage de tout risque. Alors, j'abandonne donc 2 personnes qui se démerderont eux-mêmes, ça leur fera une petite initiation. Là, ils doivent trouver le train à la gare la plus haute au monde. Ils doivent retourner à Lima, la ville la plus sale du monde, prendre un avion et aller nous attendre dans la jungle, dans une ville qui s'appelle Iquitos, et juste préparer le voyage dans la jungle. En attendant, je pars avec les trois autres personnes. Je forme un groupe avec une personne et l'autre, les deux autres, c'est un autre groupe. Et je sais très bien que l'autre groupe se fie énormément sur moi. Je sais pas s'il y aura beaucoup qui seraient intéressés à voyager avec moi. Alors, j'ai une idée en tête. Dans le premier trou venu, je les abandonne là et je me sauve. Je parle l'espagnol, pas eux. Alors, on prend un taxi, on s'en va vers une ville. En montant, le chauffeur, vu comme dans les Andes, il monte très très haut, il a une attaque cardiaque. Je dois donc chauffer le taxi pour revenir en bas. On laisse le chauffeur plus bas, on lui laisse son taxi, on reprend un autre autobus. On monte jusqu'à une ville. Il pleut, il fait 0 degré, il fait noir. C'est une ville minière, la mine est dans plein centre de la ville, et quand on grandit la ville, on bâtit les maisons en arrière. Alors les maisons, c'est toutes des cabanes de tôle. Il y a 2 hôtels. Quel que soit celui que vous prenez, vous regrettez de ne pas avoir pris l'autre. Quand on rentre dans l'hôtel, le tenancier est en train de se battre avec d'autres personnes. On est dans la rue, donc un peu avant, il pleut, il fait froid, tout le monde nous regarde, tout le monde, c'est tout, enfin, l'égrégore est relativement satanique pour un paquet de raisons. Et la seule idée que j'ai, moi, c'est d'abandonner mes 2 personnages ici. Ce que je réussis très bien, faites-moi confiance. Et je disparais donc avec mon coéquipier, abandonnant ces 2-là, là. J'aurais pu se faire tuer plus d'une fois, j'aurais pu se faire voler, surtout qu'il y en a un qui était suffisamment manipulé à un moment donné pour commencer à montrer sa montre à tout le monde, montrer les fonctions. Il voulait prendre une photo aussi, ouvrir son sac à dos devant tout le monde, puis tout le monde voyait bien ce qu'il y a dedans. Mais l'autre, lui, a demandé de cesser ses conneries. Alors, ils ont attendu plusieurs heures à la pluie parce que tout le monde leur disait qu'il y avait un autobus qui passait, mais l'autobus passait le lendemain. Quand je parle de risquer sa vie, je parle de mourir. Je parle de ne pas revenir. C'est dans la boue, c'est dans la pluie, c'est dans le froid, 0 degré, c'est dans le manque d'oxygène total, c'est dans 2 jours de pas de nourriture. Comptez pas vous laver trop souvent, ça protège des mouches à la longue. Les sacs à dos sont pesants, les autobus ne vont pas partout où on veut aller. On brise, on perd des choses. On doit marcher et on doit se battre. Il y a des petits coins de paradis et c'est parfait. L'astral a évidemment tout prévu au niveau de notre planète. Il faut bien que tu oublies les dangers, sinon tu ne voudras plus continuer. La première journée dans la jungle, tu rencontres des animaux intéressants. Et ce n'est pas parce que les personnes reviennent intactes que les tarentules qu'on a rencontrées et même attrapées ne tuent pas. Que les jaguars ne tuent pas. Et tout ça. Il y a évidemment des femmes qui pourraient être prêtes parce que ce n'est pas le sexe qui détermine la préparation d'une personne. Mais le travail planétaire lui détermine les individus qui devront le faire. L'Amazonie est une région qui n'a plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que le travail énergétique supramental planétaire qui devait être fait a été fait l'année dernière en novembre. Il y a d'autres régions à l'échelle de la planète. Il y a le désert de Gobi. Je ne sais pas qui c'est qui serait intéressé d'aller dans le désert de Gobi. Si je décris un peu le désert, ça intéresserait tout le monde. Ça porte aussi un nom, le terrain de golf du diable. Il joue au golf, le diable, là-bas. Avec les visiteurs. Et surtout avec les montagnes. C'est un désert qui est reconnu, qui est en Mongolie. Au nord de la Chine. Il faut passer par Moscou. Le désert de Gobi est un des anciens pôles de notre planète. Dans ce désert, on se couche, le désert de roche, avec un petit peu de sable, de poussière de roche. Il y a des blocs qui ont plusieurs tonnes, qui traînent un peu partout. Et lorsqu'on se lève le lendemain, les blocs se sont tous déplacés. Et il laisse des traces sur le sol, il ne roule pas, il traîne. Il faut juste s'arranger pour ne pas dormir là où un bloc va passer. Le National Geographic a déjà pris des photos. La mathématique ou la science n'a jamais rien expliqué. Et il n'y a jamais d'individus qui ont réussi à en filmer. Mais on voit des traces. À se demander si les paysans s'amusent. Il n'y a pas de paysans dans le désert de Gobi. Et les blocs sont trop pesants. Il n'y a pas de traces de pas dans le sable, à part les traces des blocs. Énergétiquement, s'il y a une raison fondamentale d'y aller, ce n'est pas une expérience comme font plusieurs sur la planète des expériences de recherche soutériste. On est en quête. Non, on n'enquête pas. On est en quête. Mais on n'enquête pas. Possiblement que le prochain voyage de travail planétaire se fera dans le désert de Gobi. Ce n'est pas sûr. Ça voudra dire un froid de canard. Ça voudra dire les risques des barbares. Parce que là-bas, ça se bat. Ça voudra dire un paquet de choses. Et ça voudra dire aussi un paquet de phénomènes qu'on a rencontrés au Pérou. Des manipulations absolument parfaites pour qu'une personne fasse des choses que normalement elle ne ferait jamais. Les prostituées viennent vous voir. Oh, etc., etc., etc. Je vais parler de certaines choses lors d'une conférence spéciale à un moment donné au niveau du travail planétaire, mais ça, c'est lorsque le PMC aura commencé à faire un travail au niveau du Québec. Je vais plutôt parler du travail au niveau du Québec. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que il y a énormément de tripeux au niveau de ceux qui font le PMC. Et c'est normal, il y en a un peu partout sur la planète. Et certains savent qu'ils tripent. Ils aimeraient faire des choses pour le trip. Prêts à mourir pour prouver qu'ils sont prêts. Mais leur mort va être la preuve qu'ils n'étaient pas prêts. Parce que j'ai été au Pérou, j'ai bien averti les cinq personnes qui venaient avec moi, qui sont donc des professeurs du PMC, que je ne pouvais m'encombrer de poids mort. Alors, ils étaient tous d'accord sur le principe. Ils ont pu expérimenter le principe là-bas parce qu'effectivement, on ne s'est pas encombré de poids mort. Tu suis ou adieu. Des merdes. La première initiation de ce genre, et ça fait partie aussi d'un travail PMC. C'est une forme de travail qui se fait au Québec. De toute façon, certaines personnes du PMC seront peut-être intéressées, énergisées, vibrantes à faire ce genre de travail. Mais on peut dire bien des choses. Si le temps n'est pas là, on ne les fait pas. Alors un jour, on est quatre, on s'en va dans la forêt. C'est le printemps, il y a de la neige, il y a de la glace sur les lacs. Et on a un rendez-vous le lendemain matin sur une péninsule d'un lac en pleine forêt. Il n'y a pas de chemin qui va là. Et on part séparés tous les quatre, et ceux qui n'arrivent pas à la péninsule, c'est qu'ils n'ont pas à faire le travail. Et la mort est toujours ce qui guette ces personnages. Alors, il ne faut pas comprendre que certaines choses qui se font, parce que l'être humain aime jouer. L'être humain adore jouer. Mais un jour, l'être humain ne joue plus. Et il faut qu'il sache qu'il ne joue pas. Traverser un lac de glace au printemps, faut être sûr que la glace ne cassera pas. Mais passer une nuit tous les quatre sur un lac qui passe son temps à craquer, dont on voit les fentes nous passer entre les jambes, et on continue le travail parce qu'étant donné que c'est nous qui sommes sur la glace ne peut pas casser. Faut que tu sois vibratoirement suffisamment vibrant pour que la glace te supporte. Et si toi, tu ne peux pas supporter ta conscience, la glace ne pourra pas supporter ton corps. Il y a énormément de choses qui vont être faites, qui se feront de plus en plus, mais l'affaire qu'il y a, c'est que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jouet. Alors, étant donné que ce n'est pas un jeu, moi, je ne peux pas me permettre d'amener des personnes qui veulent jouer. Plus une personne veut venir, plus elle a de l'ego. Plus elle a de l'ego, moins elle est prête. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu des choses similaires ce que c'est que d'être dans la merde et de voir la consistance vitale qui nous anime s'en aller. Lorsqu'à un moment donné, vous avez un soldat habillé tout croche, qui parle une autre langue, et qui vient vous coller un fusil de guerre en plein visage, et dans sa langue, il vous bafouille quelque chose, et le gars à côté de vous qui comprend un peu vous dit qu'il est convaincu que vous êtes quelqu'un de l'armée américaine déguisé, et que pour cela, il va vous tuer. Et que pour confirmer les choses, 8 ou 9 de ses acolytes arrivent en riant, avec de la boisson par-dessus la cravate, tous armés. Et que vous devez faire quelque chose pour pouvoir rester en vie. Ce n'est pas quand ces choses-là arrivent que l'on se demande qu'est-ce qu'on est venu foutre là. J'ai rencontré une femme assez extraordinaire à un moment donné, qui conduisait une Jeep dans laquelle j'étais. On était la nuit. Et il a fallu traverser un barrage routier, un barrage de guerrieros. Alors, ce n'est pas question de sexe. La femme, elle savait très bien comment faire, ce qu'elle faisait, comment le défoncer, quand éteindre les phares, quand allumer les phares, quoi crier, quoi faire, quoi ceci, quoi cela. Et comment arriver à conduire une Jeep, les phares éteints dans un chemin de terre, à moitié penché pour éviter les balles d'une mitrailleuse lourde qui essaie de se placer pour vous descendre. Et ça, c'est au Guatemala, sur la côte du Pacifique, il y a assez bourré de guerrieros. Alors, l'humain se croit prêt, mais l'humain ne sait pas. L'humain va voir des films, parce que dans les films, ça finit bien, ou parce que les morts, on les oublie, ils disparaissent, ils souffrent pas. Quand quelqu'un meurt dans un film, on vous le présente pas le reste du film. Alors, on s'illusionne à un moment donné que on est peut-être prêt. Faut faire attention. Il y a des choses qu'on va faire, il y a une préparation PMC qui est essentielle, elle permet justement de préparer ces personnes-là. Ce ne sont pas que les professeurs qui vont faire ces voyages, ce sera les individus qui seront prêts et ça n'a rien à voir avec le numéro du PMC. Ça dépendra d'eux. Et de l'utilité du voyage. Parce que tout peut se faire au Québec, au niveau initiatique, dans les Laurentides. Au niveau du travail planétaire, il faut sortir des frontières, mais aller quelque part pour s'initier, tout peut se faire dans les Laurentides. On va prendre une dernière pause. Je rappelle...